AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais. Mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Surcouf, un corsaire ancré dans son temps. Mais quel est ce temps ? Surcouf est né en 1773, il est mort en 1827. Il a donc connu l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire de Napoléon et le retour des Bourbons sous la Restauration. Mais qui était Surcouf ? Un enfant des Lumières, un corsaire, un négrier, un patriote ? Prenons la mer en compagnie d'une des grandes figures de l'histoire de la navigation. Michel Verger-Franceschi, bonjour. Bonjour. Y a-t-il un Surcouf ou plusieurs Surcoufs ? Ah, il y a plusieurs Surcoufs. Alors, on peut répondre à votre question différemment, parce que d'abord, ils s'appellent tous Robert, dans la dynastie des Surcoufs. Et donc, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, donc ça serait déjà la première réponse en disant c'est une dynastie. On voit souvent le corsaire, ou le pirate, ou l'officier de marine, comme quelqu'un qui répond à un appel du large, à un appel de la mer. Et c'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt une dynastie. Ils sont tous marins de père en fils depuis le milieu du XVIIe siècle. Les premiers Surcoufs n'étaient d'ailleurs pas des Malouins, c'était des Bas-Normands, d'en bas du Cotentin, c'était des Nupiers. Et ils sont arrivés à Saint-Malo, donc ils deviennent de vrais Malouins. Ce sont des roturiers et ils vont peu à peu progresser. Ils partent au départ comme simples calfats, cinq générations plus tard, du temps de Robert Ier, de Robert II. Et puis, ils progressent comme enseignants de cours de pilotage, comme lieutenants à bord de bâtiments de commerce, puis capitaine négrier. Le père de Surcouf, monsieur de Boisgris, n'était pas particulièrement brillant. Et Surcouf, lui, va exploser, vraiment, va se faire un nom qui va rester jusqu'à aujourd'hui, connu dans la Marine nationale, connu sur des noms de bâtiments. Moi, je suis né dans un immeuble qui s'appelait Le Surcouf, d'ailleurs, à Toulon. C'est un peu pour ça que j'ai pensé à faire cette biographie de Surcouf à la demande d'Arthur Chevalier pour Passer Composé. Et donc, Surcouf crève l'écran. Il y a plusieurs Surcouf, vous avez raison, parce que il y a à la fois le corsaire, il y a à la fois l'armateur, parce que le métier de la mer fatiguait très rapidement. Le cousin de ses arrière-grands-parents, du Guétrouin, avait pris sa retraite. On parle beaucoup de retraite aujourd'hui, mais la retraite, c'était à 35-36 ans pour ces hommes. Parce qu'à 14 ans, ils montaient à bord. Ils avaient un travail fatigant. Partir dans l'océan Indien, c'était 100-110 jours de mer. Il y avait le scorbut qui guettait. Il y avait la mauvaise alimentation. Il y avait toutes les conditions du bord qui étaient très éprouvantes. Et donc, on partait à la retraite vers la trentaine, 35-36 ans, et on commençait une deuxième carrière, qui était une carrière d'armateur, et on finit en planteur de 800 à 1000 hectares. C'est une fortune considérable à la fin de sa vie, c'est quatre fois le château de Combourg, donc il faut quand même se rendre compte du chemin parcouru par ce personnage, qui est un personnage que l'on imagine, surtout les femmes, en beau corsaire musclé, avec des abdos en tablette de chocolat, et qui, à la cinquantaine, achetait pourtant des ceintures à ventre, tellement il avait un ventre proéminent, donc pour voir son pharmacien à Paris lorsqu'il allait acheter de l'argenterie, des bijoux, faire donner des cours de piano. Il se transforme en bourgeois balsacien dans la deuxième partie de sa vie. Ça fait beaucoup moins fantasmer les jeunes femmes aujourd'hui. Et on imagine toujours un Surcouf comme Jean Bart, comme du Guétrouin, des hommes qui étaient très grands, qui étaient costauds, qui étaient musclés. Et quelqu'un comme Jean Bart, barre faisait 2,02 m. Donc, quand on imagine aujourd'hui un corsaire de 2 m qui est sur un bastingage de 1 m, ça fait 3 m. Avec un bras droit levé, ça fait 4. Avec une hache d'abordage au bout, ça fait 5 m de haut. Et c'est tout à fait les corsaires comme Obélix, lorsqu'il va sauter sur le pont du navire des corsaires ennemis. Et vous avez donc un géant de 5 m qui se précipite sur vous. Du Guétrouin, qui était le cousin de l'arrière-grand-mère de Surcouf, était également un homme très, très grand. Et moi, ce que je voulais montrer dans ce livre, c'était la progression d'une famille. C'est un petit peu différent de l'autre biographie qui vient de sortir de mon collègue et ami, donc Brun, qui est en face de moi en ce moment. Et c'est plus une progression d'une famille par la méritocratie sous l'Ancien Régime, ce qui fait que mon bouquin, il commence par les obsèques. Ça peut paraître curieux de Surcouf, parce que l'Ancien Régime est rétabli. Le frère, c'est le baron Surcouf. Les gens qui assistent aux obsèques, ce sont les frères Lamennais, alors qu'on sort d'une période de déchristianisation avec la Révolution. La fille de Surcouf est comtesse, donc il traverse la Révolution et il est rempli d'ambiguïté, ce qui montre les difficultés de cette époque, vous l'avez bien dit, née sous Louis XV, 1773, mort sous Charles X en 1827. Et pendant cette vie qui est finalement assez courte, 54 ans, c'est pas très très long, c'est à peu près comme Jean Barre, c'est moins que du Guétrouin. Eh bien, cette vie, c'est une période troublée. Il est franc-maçon sur Couf et il est capitaine négrier. Donc ça interpelle forcément. C'est un homme des Lumières et la famille Lamennais est quand même une famille connue pour sa doctrine chrétienne. Et c'est un roturier, mais qui épouse la fille d'un anobli par Louis XVI, anobli en 1786. C'est un homme qui est rempli de contradictions et c'est ce qui fait la richesse du personnage. Exactement, parce que ce sont des contradictions, les contradictions de son temps, hein, nées avant la Révolution. Et puis, il voit tous ces mouvements de société, ces mouvements politiques. Michel Verger-Franceschi, Surcouf, la fin du monde corsaire, publié chez Passé Composé. Et vous l'avez évoqué élégamment, il y a cette autre biographie qui sort au même moment, Surcouf, le tigre des mers, chez Talendier, dont vous êtes l'auteur, Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour. Ce que disait Michel Verger-Franceschi sur l'appel de la mer, nous avons cela en tête, l'envie de partir. Et pour Surcouf, c'est vrai que c'est plus complexe, hein, c'est une dynastie. À quel moment prend-il la mer ? Eh bien, d'abord, il prend les moyens de prendre la mer, si j'ose dire, puisque... Alors dans Surcouf, il y a l'histoire, et puis il y a le fantasme, il y a le mythe. Et le mythe est aussi, presque aussi important que l'histoire vraie. Il est raconté que ses parents voulaient faire de lui un prêtre, ce qui n'a rien d'étonnant, parce que lui, Guétroin, c'était aussi ce qu'il attendait, qu'il n'avait pas été aussi turbulent. Et le petit Surcouf, donc, il a deux frères aînés qui naviguent énormément, qui ont embarqué tôt, et lui, Surcouf, à l'âge de 12 ans, au lieu d'être en mer, on le colle dans un collège à Dinan. Non, l'histoire veut qu'il s'enfuit, qu'il traverse les campagnes pour arriver sous une tempête de neige à Cancale, on le récupère. Puis qu'importe, et les parents disent, puisqu'on n'a pas réussi à te dresser, la mer va te dresser. Ouais, tu parles. Surcouf, lui, ce qu'il a envie, c'est d'aller en mer. Et une fois qu'il est en mer, ça devient le gamin parfait qui absorbe tout ce qu'il y a absorbé. Et alors là, on est dans le grand mystère de la mer. Pourquoi on va en mer ? Les alpinistes, on leur dit, pourquoi monter sur les sommets ? Ils répondent, parce que les montagnes sont là. Quand on est né à Saint-Malo, on a vu tous les soirs le soleil se coucher au-delà des rochers de Saint-Malo, des passes de Saint-Malo, les 7 portes de Saint-Malo, on a envie d'y aller. Et puis, il y a aussi quand même l'appât du gain. Eh oui. Saint-Malo, c'est quand même le fric. Pour réussir, faut pas avoir une Rolex à 50 ans, mais c'est à peu près l'équivalent, pratiquement. Et donc, lorsque Surcouf va tomber amoureux de cette belle fille, fille de gros armateur, l'histoire veut que ils se sont entendus répondre, écoute, je te veux bien pour gendre, mais tu vas me faire un peu d'argent et puis tu reviens. À ce moment-là, on en reparlera. Il est parti, il a récupéré l'argent, effectivement. Mais Surcouf, c'est, quand on dit qu'il traverse plusieurs régimes, plusieurs époques, c'est un peu accidentellement. Et lui, il en sera non même pas un acteur ni un témoin, il va, entre guillemets, faire avec. Il commence comme négrier. Pourquoi il commence comme négrier ? Parce que c'est le business de l'époque, tout simplement. À l'époque, les bonnes familles malouines vont consulter l'Église pour savoir si la guerre de course est vraiment quelque chose de moral. Est-ce qu'on peut vraiment le faire ? On leur répondra oui. Sur la question de la traite négrière, jamais on se posera la question. Ça, c'est pas un souci. La traite négrière, c'est au cœur aussi de cette réflexion autour de ce personnage étonnant, faut le dire, Surcouf. Vous allez entendre le magazine de la mer présenté par Jean Périgaud. Cette semaine, la chronique de notre ami Maurice Guibert va être consacrée à Robert Surcouf, le célèbre corsaire breton de Saint-Malo. Oui, je vais vous parler aujourd'hui d'un illustre malouin, mon cher Périgaud, puisqu'il s'agit de Surcouf, le roi des corsaires. Il voit le jour à Saint-Malo en 1774. Très jeune, il part à l'Île-de-France avec sa famille. Son caractère fait pressentir son inclination pour la carrière des armes. Il venait d'avoir 20 ans. Les Anglais tiennent l'île étroitement bloquée. Le commandant de la division française, malgré l'effrayante disproportion des forces dont il dispose, reçoit l'ordre d'aller combattre l'ennemi. Il part avec deux frégates et il ne tarde pas à se trouver en face de deux vaisseaux anglais. Après un combat acharné, les Anglais sont obligés d'abandonner leur croisière. Le magazine de la mer en 1951 qui présentait ce personnage de Surcouf. Ici, ce qui est mis en avant, c'est le Surcouf combattant contre les Anglais. Dans cette histoire de ce personnage, est-il possible de prendre une vie entière d'un seul coup? Nous sentons bien que non, ne serait-ce que par tous les bouleversements politiques. À quel moment, selon vous, toutes ces questions se posent particulièrement? Et je pense à la traite. Surcouf, négrier, peut-on dire cela ainsi de manière très claire? Oui. Oui, tout simplement. En revanche, ce qui est beaucoup plus étonnant et moins connu, et c'est assez abominable quand on y pense, c'est l'idée d'aller chercher des captifs sur la côte africaine pour les livrer aux Antilles. C'est-à-dire faire le tour du Cap de Bonne-Espérance, remonter contre les vents d'ouest dominants avant de récupérer la Lysée. Alors, ceci est très technique, mais ça aboutit à une conséquence épouvantable. Le taux de mortalité à bord d'un négrier sur cette route-là, c'est juste prodigieux, on n'ose pas imaginer les conversations entre armateurs. Tu crois qu'on va en ramener combien finalement? Faut peut-être pas trop les serrer. Enfin, c'est abominable. Lorsque j'ai étudié cette question, je n'y croyais pas. J'ai consulté Patrick Villiers, qui a écrit un ouvrage remarquable sur la question. Mais effectivement, embarquer 300 personnes allongées tête bêche sur 1m20 à 1m30 de hauteur entre deux ponts pour les livrer à travers l'Atlantique, c'était parfaitement concevable et personne ne se posait de questions. Mieux que ça, Charles Cunas, son premier biographe, Robert Surcouf, le petit neveu, se disent l'héroïque Surcouf qui pratique le rude métier de négrier. C'est-à-dire qu'on pense même pas aux nègres, si j'ose dire. On pense aux rues de travail que c'est de les transporter. C'est l'époque. C'est comme ça. C'est ça, hein, ce paradoxe. Michel Verger-Franceschi, vous aussi, hein, vous posez la question. C'est le titre d'une partie de votre livre. Un capitaine négrier, point d'interrogation. Oui, au moins, c'est clair. Mais le paradoxe est que Surcouf est un enfant du siècle des Lumières. A-t-il un regard particulier sur ces évolutions d'idées? Alors j'ai fait un gros chapitre en effet sur la traite négrière dans ce livre, parce que l'origine de ce livre, moi je suis d'origine corse, Franceschi par ma mère, et donc depuis un certain temps, on l'a vu avec le bicentenaire de Napoléon, lorsqu'on fait une conférence sur Napoléon, on conclut, il a rétabli l'esclavage. Et donc cette biographie de Surcouf, elle m'a été demandée pour faire un petit peu une mise au point. Bon, c'est vrai que Napoléon a rétabli l'esclavage. Je serais tenté de dire que Napoléon a été contraint de rétablir l'esclavage. Je préfère dire que c'est une obligation. Pourquoi? Alors, c'est pas du tout pour justifier l'esclavage, vous vous en doutez bien, évidemment, mais c'est pour montrer ce qu'était le contexte. Nous sommes après 1750. Ce matin, nos auditeurs, vous-même, vous avez pris un petit café. Si nous étions avant 1750, on aurait pris, comme la Palatine, belle-sœur de Louis XIV à Versailles, une soupe aux choux, ou bien une choucroute, puisqu'elle était d'origine allemande, avec une chope de bière. Et donc le café apparaît, et le café au lait est né en 1750. Ce café qui était un peu amer, on a mis du sucre à l'intérieur pour l'adoucir. Et donc, c'est ce que nous prenons tous les jours aujourd'hui, après le déjeuner de midi et parfois le soir. Nous regardons la télévision avec une table basse de salon. qui a succédé au guéridon. Le guéridon, il est apparu vers 1750 sous Louis XV, ça s'appelait une table bouillotte, et il y avait un marbre dessus, parce que la cafetière, les tasses et les soucoupes que l'on allait poser, allaient faire des taches sur le bois. Et ce guéridon qui apparaît sous Louis XV se couvre de ce qu'on appelle les pièces de forme, la chocolatière, qui a un manche perpendiculaire au récipient, ou la cafetière en argent massif. Tout ça, c'est le travail des orfèvres, c'est le travail des porcelainiers, c'est le travail de tous ces gens qui fabriquent des meubles ou qui fabriquent des soucoupes. Et puis, si vous regardez chez un antiquaire un fauteuil Louis XV, vous apercevez que par rapport à un fauteuil Louis XIV ou Louis XIII, vous avez des petites roulettes à l'avant, parce que ça permet d'approcher le fauteuil du guéridon. C'est-à-dire qu'on est dans une société où le café, le chocolat, le coton qui va remplacer la laine des moutons sont des choses qui apportent du confort. Le 18e siècle, c'est le siècle du bonheur. Et donc, c'est aussi malheureusement celui de l'esclavage. Le bonheur des uns qui vont consommer ce sucre tout blanc est lié au malheur des autres qui sont ces noirs qui, eux, vont travailler sur les plantations. Et donc, ça ne fait pas que la fortune des colons, ça ne fait pas que la fortune des négriers. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat, la première en histoire, quand j'étais jeune professeur au Havre, eh bien, les cigarettières du Havre, elles vivaient de ce tabac qui arrivait des plantations, que l'on roulait dans du papier à cigarette, comme on le fait aujourd'hui. Et donc, en 1793-94, au moment où la Convention va vouloir supprimer l'esclavage, abolir la traite et éventuellement supprimer l'esclavage, les deux choses étaient d'ailleurs un petit peu séparées, eh bien, on a eu des émeutes dans les ports. Et donc, Napoléon, qui a à peu près le même âge que Surcouf, il est né en 1769, je parle beaucoup de lui, je parle beaucoup de Chateaubriand dans cette biographie, parce que ce sont tous des contemporains. Eh bien, on s'aperçoit que les cigarettières du Havre, les petites gens qui vivaient des plantations, c'était pas les riches propriétaires négriers qui construisaient des hôtels particuliers à Bordeaux ou à Nantes, mais on était dans une société qui malheureusement était comme ça, c'est injustifiable, mais elle était comme ça. Et Napoléon ne pouvait donc pas accepter que l'esclavage soit aboli, puisqu'il existait dans les autres puissances européennes, et que la moitié de l'économie européenne vivait malheureusement de cette traite négrière. Et donc, des gens comme Condorcet en particulier, eh bien, se sont opposés à la fois à la traite, à la fois à l'esclavage, à la fois aux déportations, car c'était de vraies déportations, de ces Noirs. Ce qui est terrible avec la Révolution, c'est de voir des femmes comme Olympe de Couges, qui était aussi une franc-maçonne comme Surcouf, comme l'oncle de Surcouf, qui était vénérable de sa loge à Saint-Malo. Eh bien, Olympe de Couges, qui a été une des premières à créer les sociétés des Amis des Noirs, elle monte malheureusement à l'échafaud à une quarantaine d'années. Dire que Napoléon a rétabli l'esclavage est une évidence, hein, nous le savons tous. Réduire le rétablissement de l'esclavage à la volonté d'un seul homme serait une erreur, et c'est pour rien justifier Napoléon, parce que nous le savons bien, et les débats actuels le montrent, il y a une vraie discussion sur ce sujet-là, mais vous avez raison de le souligner, Michel Berger-Franceschi, c'est l'ensemble de la société, c'est pas simplement un seul homme qui rétablit l'esclavage, c'est une société qui est d'accord avec cette décision. Dans 200 ans, on dira de vous et de moi que nous utilisions des petits portables fabriqués en Chine par des enfants qui gagnent 30 euros par mois. C'est dit. C'est dit. Dominique Lebrun, sur cette question de la traite, il y a aussi la géographie qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que Surcouf part au loin. Ces débats à l'Assemblée, à Paris, c'est quelque chose d'extrêmement loin quand en 1794, l'esclavage est aboli. Lui est sur un navire, il est à l'autre bout du monde. Alors d'une part, lui est sur un navire et puis surtout, il est basé à l'île de France, donc l'actuelle île Maurice. Et là, il y a toute une économie qui fonctionne sur place. Il y a la crainte de l'Anglais qui lui occupe les Indes et peut débarquer d'un instant à l'autre. Et il y a surtout les intérêts locaux de tout ce qui est plantation et autres. Sans esclaves, on ne peut rien faire. Mais surtout, la vraie question est de savoir comment faire par rapport à l'Anglais qui menace. Et donc la nécessité de la guerre de course. Ce qui est très amusant, c'est que Surcouf va faire un dernier voyage de traite avant de pouvoir entrer dans le jeu de la course. Enfin, du moins son armateur. Puisque lorsque lui-même va devenir corsaire, entre guillemets, mais il commencera par être pirate, et ça, on ne dit pas assez. Oui, parce qu'il y a tout ce vocabulaire autour de Surcouf. Surcouf est un corsaire. Et bien souvent, on le résume à ce mot-là, Surcouf corsaire, mais il y a Surcouf négrier, nous l'avons dit, et un petit peu pirate, vous Alors, dites, Dominique Oui, Lebrun. Pas un petit peu, totalement. Explication. Corsaire égale lettre de course, lettre de marque. Corsaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une délégation de service public. On est chargé, en tant que particulier, par un pouvoir d'attaquer l'ennemi, essentiellement des bâtiments de commerce, pour l'appauvrir économiquement. Bien. Pour ce faire, vous devez avoir l'autorisation de le faire. Vous versez même une caution pour ne pas dépasser les limites et vous recevez un papier qui vous autorise à faire ceci ou cela. Lorsque Surcouf part pour sa première croisière, à la demande d'un armateur qui cherche un capitaine assez casse-cou et prêt à risquer quand même sa vie. Il est supposé aller chercher des tortues aux Seychelles et du riz pour ravitailler l'île de France qui est, comme je le disais tout à l'heure, assiégée pratiquement par les Anglais. Il a le droit de se défendre s'il est attaqué, donc il se dit « faisons en sorte d'être attaqué de façon à pouvoir me défendre ». Et là, premier bateau anglais qu'il croise, le bateau anglais, pour se saluer, tire un coup de canon à blanc. Oh, je suis attaqué. Dans ces cas-là, on prend pas de risque, on attaque les premiers. Et il monte à l'abordage, ce sera sa première prise. Et puis ensuite, oubliant tout complexe, il va faire une croisière gigantesque dans tout l'océan Indien. Chaque fois qu'il capture un bateau, on met à bord ce qu'on appelle un équipage de prise qui va ramener ce bateau à l'île de France. Et à l'île de France se passe une chose tout à fait étonnante. On voit arriver des bateaux. Alors c'est pratique. Ils rapportent du riz, ils rapportent des marchandises, etc. Tout cela est vendu. Mais lorsque Surcouf arrive, on traite donc la question de la, on appelle ça le règlement des captures. C'est-à-dire qu'elles sont mises en vente publique et le tribunal décide si les prises sont bonnes ou pas. Et là, arrive le moment où on dit tout cela est parfait, sauf que votre lettre de marque ne précise pas que vous pouviez... Les prix sont confisqués. Et là où la chose devient géniale, on est à l'autre bout du monde, Surcouf décide, et en cela appuyé par les commerçants locaux, de partir à Paris plaider sa cause pour que ces prises soient reconnues, ce qu'on appelle de bonnes prises. Et là, grâce à un avocat spécialiste des questions de corsaire, Maître Pérignon, il va l'emporter et à partir de là, devenir un héros, puisque la plaidoirie de Maître Pérignon, on peut y accéder par Internet, aller sur Gallica, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que, un, c'est truffé de mensonges épouvantables, ça part du journal de bord bidon de Surcouf qui raconte n'importe quoi, et ça marche très bien. Mais ensuite, d'un point de vue juridique, la progression de la démonstration suivant laquelle tout bâtiment de commerce qui a une existence légale en état de guerre fait que son équipage, qu'il le veuille ou non, devient un combattant et à ce titre a le droit et le devoir de faire tout ce qu'il faut contre l'ennemi. Et c'est là où Surcouf, de son vivant et encore tout gamin, devient déjà un héros. Et ça, c'est le côté peut-être le plus stupéfiant de sa vie. Je serais tenté de dire qu'il n'a pas cherché à être un héros parisien et national. C'est arrivé tout seul, grâce à Pérignon, sans doute. Surcouf, un héros, un corsaire, oui. Ancré dans son temps. France Culture. Surcouf, le temps est beau, vent dans les voiles, claque la toile, le jour est déjà haut, sur les remparts de Saint-Malo. Or Louis est encore loin, dans 10 semaines, ils seront à peine. Pourtant, faut bel et bien, sur les Anglais mettre la main. Gloire à Surcouf, et salut à tous les Malouins, la mer est belle, le pays n'est pas loin. Surcouf, tous les corsaires sont là. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les compagnons de la chanson qui chantent Surcouf, Michel Verger-Franceschi. Surcouf, corsaire. Cette notion de corsaire est une notion complexe. Et nous l'avons bien compris avec ce que nous disait Dominique Lebrun. Surcouf s'arrange un petit peu dans la mission qui lui est confiée. Mais quelle serait la mission première d'un corsaire? Qu'aurait-il dû faire pour rester le corsaire idéal? Un corsaire est un marin légal. Et un pirate fait exactement la même chose, c'est-à-dire l'abordage et des prises, mais c'est un marin illégal. Donc le corsaire a une lettre de marque qui lui permet, en période de guerre, de s'emparer de bâtiments ennemis. Surcouf, dans ces années 1795-96, il devient un patronyme. Dans cette lignée de marins, pour la première fois, il va crever l'écran à cause, effectivement, de cette plaidoirie de Maître Pérignon, parce que ces prises ont été confisquées. Or, ces prises, elles appartiennent aux armateurs et non pas à Surcouf, qui est un jeune homme en 1796 de 23 ans. Et donc, on va l'envoyer plaider sa cause avec un avocat à Paris. Et ce qui précède notre Sénat actuel, ça s'appelle le Conseil des 500. Et le Conseil des 500 va donner raison à Surcouf, qui est un corsaire hors la loi, parce qu'il a simplement un congé, c'est-à-dire une autorisation de naviguer au commerce, et avec ce simple congé, il a fait des prises. Et alors là, la conclusion de ce Conseil des 500 est magnifique, c'est-à-dire les lois sont éphémères. Et c'est très vrai que les lois sont éphémères, parce que en 1793-94, il y a eu beaucoup de publications là-dessus sur la traite et sur l'esclavage. La convention se contredit. Or, quand on n'a pas de GPS, quand on n'a pas de téléphone portable et qu'on est à 110 jours des décisions de l'Assemblée nationale à Paris, eh bien, il est évident qu'à l'Île-de-France, en 110 jours, les choses, elles ont changé à Paris. Et par conséquent, le défendre est une chose possible. Donc, les lois sont éphémères, mais la munificence nationale l'emporte sur tout. Et donc, on va donner un blanc-seing à un corsaire qui s'est autoproclamé pirate, et du coup, le patronyme apparaît pour la première fois dans le courrier de Madras de 1796, et il est tellement content, Surcouf, à 23 ans, il met sa jeune maîtresse enceinte. Et 9 mois après le rendu de ce tribunal, eh bien, elle va accoucher d'un enfant qu'il ne reconnaîtra pas, une maîtresse qu'il ne va pas épouser, il préférera épouser la fille du maire anobli de Saint-Malo. Et c'est là que Surcouf, personnellement, me dérange un petit peu. Parce que, bon, moi, je suis fonctionnaire de la République, évidemment, et donc j'aime bien Jean Bar, qui meurt en rade de Dunkerque en 1702 en tant que chef d'escadre, c'est-à-dire en tant que contre-amiral, ou du Guétrouin, qui est devenu lieutenant général des armées navales, c'est-à-dire l'équivalent de vice-amiral depuis 1792, et ils ont servi l'État. Et moi qui ai servi l'État pendant 45 ans, il est évident que Surcouf, sans vouloir faire du wokisme, c'est pas du tout mon genre, eh bien, en 1798, il n'est pas à Aboukir. Quand la patrie est en danger, en 1793, il est dans l'océan Indien. En 1805, il n'est pas à Trafalgar, alors que quelqu'un comme Luce de Casabianca a sauté en 1798 à Aboukir. Et donc, en 1792, il est aussi dans l'océan Indien. Et ça, ça m'a dérangé un petit peu dans la biographie, parce que je ne connaissais pas très très bien Surcouf au départ, c'est-à-dire qu'en 89, au moment de la Révolution à Saint-Malo, il est également dans l'océan Indien, on ne peut pas reprocher à un jeune homme de 16 ans de ne pas être présent, mais c'est dommage que pour la flottille de Boulogne, etc., il ne soit pas au cœur de la marine nationale, et Napoléon ne lui en tient pas rigueur, au contraire, puisqu'il le fait chevalier de la Légion d'honneur dès 1804 à la première promotion de l'ordre, mais on aurait espéré qu'il soit à Trafalgar l'année d'après à ce moment-là. Et je dois dire que c'est un petit peu le bémol que j'ai mis dans cette biographie. Une fortune égale à 4 fois le château de Combourg et des services patriotiques, ça ils sont indéniables, il est bonapartiste, mais il y a quand même cet appât du gain que Dominique Lebrun venait d'évoquer tout à l'heure et qui est tout à fait réel chez lui. Et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer. Pourquoi ce besoin de gloire? Parce que sa grand-mère était une porçon de très vieille famille noble bretonne. Et pourquoi ce besoin de gain? Parce que son père, 50 000 livres de fortune, n'avait plus la fortune du grand-père, 500 000 livres de fortune, tout simplement parce qu'il avait eu 17 enfants. Eh oui, tout simplement. Michel Verger-Franceschi, cette biographie, là, celle de Surcouf que vous nous offrez, c'est Surcouf, la fin du monde corsaire chez Passé Composé. Et c'est vrai que, puisque vous êtes professeur émérite des universités, nous comprenons bien cette analyse du service de l'État. Dominique Lebrun, Surcouf, le tigre des mers. Bah, le tigre des mers, ici, vous insistez sur ce côté un peu sauvage chez Talandier de Surcouf. Bah, c'est bien révélateur de l'axe que j'ai voulu prendre, c'est-à-dire le mythe. Et pourquoi ce mythe? Le tigre des mers, ce sont les Anglais. C'est la presse anglaise qui l'a appelé comme ça. Et puis on disait aussi aux petits-enfants passage dans les chaumières anglaises, si tu n'es pas sage, si tu manges pas ta soupe, Monsieur Surcouf viendra te prendre ce soir. Ça, c'est une chose. Je voulais rebondir sur le héros Surcouf. Michel, je comprends bien ce que vous dites. Mais moi, je raisonne différemment. Je raisonne comme journaliste qui me dit, Surcouf, il n'a rien choisi. On a fait de lui un héros. C'est comme ça. Alors, sur la Légion d'honneur, en revanche, c'est intéressant de préciser, et ça figure dans son dossier à la Légion d'honneur, il l'a reçu parce que il a collaboré intellectuellement à la préparation du débarquement potentiel d'une armée d'invasion en Angleterre. Ça, il faut le savoir. Mais pour le reste, Surcouf n'a jamais voulu être un héros. En revanche, c'est un garçon qui, lorsque le gouverneur de Caen, qui lui aura fait des pires misères... De Caen, c'est son nom, ce n'est pas la ville. Absolument pas. C'est bien de le préciser. De Caen en un seul mot, d'ailleurs. Lui aura fait des pires misères, mais va se trouver traduit devant un tribunal parce que les Anglais ont pris l'île et qu'il n'a pas su la défendre. On va demander à Surcouf de témoigner contre lui. On demande à Surcouf de témoigner contre son ennemi. Et Surcouf va refuser. Il dit non. Il a fait ce qu'il a fait à faire. Il a fait le job. Cet homme, il m'a fait des ennuis. Moi, je lui ai fait des ennuis aussi. C'est comme ça. La légende veut que Surcouf aurait même envisagé de lui payer un avocat, voire de faciliter son évasion. Ça, c'est le mythe. Mais les faits sont là. Et puis, il y a toujours ce regard autre à adopter, notamment celui des Anglais, qui observent le tigre des sept mers. Bien, capitaine. Tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont. Un navire de la Compagnie des Indes. Il doit avoir environ 40 canons. Chargé à bloc d'après la ligne de flottaison. Ah, du gros gibier. Mes enfants, la chasse est ouverte. Prends le bain de combat. Et double ration de rhum pour tout le monde. Ne le perdez pas de vue, je vais rejoindre le général. Appelez-moi dès que vous l'aurez identifié. Entendu. Général, nous venons d'apercevoir un navire à bâbord. On le voit très mal encore, mais à sa silhouette, je crois qu'il est français. Français ? Monscon descendra nous avertir dès qu'il l'aura identifié. Surcouf, le tigre des sept mers, c'est le film en 1966 de Sergio Berganzelli, avec ici... l'image même de Surcouf, parce que pour réussir tout ce qu'il veut entreprendre, le mieux aussi est de faire de la publicité, volontairement ou peut-être pas, en profiter autour de son nom. Faire peur, c'est aussi important. Reconnaître Surcouf, c'est déjà gagner une partie de la bataille. Michel Berger-Franceschi, il y a ça aussi. Surcouf devient presque une marque. Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le verbe que vous venez d'employer, c'est réussir. Alors aujourd'hui, on dit à nos gamins, moi j'étais enseignant pendant 45 ans, il faut avoir le baccalauréat, puis après vous avez Polytechnique, l'ENA, HEC, la Société des agrégés, etc. Comment on pouvait réussir sous l'Ancien Régime? Et donc ça, c'est quelque chose de passionnant. Et ce que j'ai toujours cherché à faire dans mes biographies, ce sont les motivations. Comment on devient Surcouf? Comment on devient Henri le Navigateur? Comment on devient Ninon de l'Enclos? Comment on devient Colbert? Et Dominique Lebrun a raison de dire ce qu'il vient de dire à l'instant. On ne cherche pas à devenir un héros. Comment Colbert s'est-il imposé? Alors aujourd'hui, on en veut à Colbert d'avoir fait le Code Noir. À noter, entre parenthèses, que le Code Noir est de 1685, que Colbert est mort depuis le 6 septembre 1683, et que dans la tragédie qu'était la traite négrière, le Code Noir visait à améliorer la condition. Et donc aujourd'hui, on est malheureusement dans une société où on regarde les défauts des hommes. Alors Surcouf est un pirate, Colbert c'est le Code Noir, Napoléon a rétabli l'esclavage, etc. Et on juge aujourd'hui nos personnages célèbres ou reconnus comme célèbres il y a 200, 300 ou 400 ans avec nos critères contemporains. Et ça, c'est une erreur absolument à ne pas faire. Il faut absolument que l'on remette tous nos personnages dans leur contexte, et on s'apercevra que ça n'est pas très malin de vouloir supprimer la statue de Colbert de devant l'Assemblée nationale, etc., alors qu'il a fait pour la France quelque chose d'extraordinaire, et que nos forêts qui ont été créées pour la marine de Louis XIV il y a 400 ans, puisqu'il est né en 1619, vous vous rendez compte que le seul pays au monde qui m'a demandé d'aller célébrer les 400 ans de Colbert, c'est Doha. Je suis allé à l'université de Doha, je suis allé dans les lycées français, le lycée Voltaire, le lycée Bonaparte, pour célébrer les 400 ans de Colbert, qui est aujourd'hui oublié ou critiqué. alors que c'est l'un de nos plus grands chefs politiques, de même que Surcouf est aussi un héros à la fois mythique, mais et qui est aussi un patriote, comme ça vient d'être dit à différentes reprises dans l'émission, notamment face aux Anglais, dans une période qui était celle du blocus continental. Michel Verger-Franceschi, avec la nécessité de pédagogie, de rappeler, si nous prenons le cas de Colbert, mais bon, là nous sommes un siècle avant, ou même de Surcouf, hein, plus simplement, de qui il est et combien certains aspects construits par la légende, hein, ces aspects extrêmement positifs du corsaire valeureux et du patriote, eh bien, doivent être associés à une autre image. Enfin, c'est le travail des historiens, des historiennes. Hein. Surcouf patriote, quelque chose que l'on oublie, c'est quand il devient armateur à Saint-Malo dans les années 1814 où ça commence à tourner vent très vinaigre pour la France, là il est patriote parce que la fortune qu'il a accumulée comme corsaire pour lui, il va la consacrer à armer des corsaires en Manche qui n'ont aucune chance de ramener quoi que ce soit, toutes les chances d'être capturés, mais tout le mal qu'il pourra faire en Angleterre, il le fera. Et là c'est du véritable patriotisme économique, on va dire, puisqu'en réalité, il ne peut pas embarquer. Mais là, ce n'est pas pour lui qu'il arme des corsaires, c'est vraiment pour la France. Oui, c'est ça. C'est vraiment ces personnages extrêmement complexes qu'il faut appréhender dans leur ensemble et ne pas voir seulement l'aspect positif ou seulement l'aspect négatif, bien sûr. C'est voir ces personnages dans leur ensemble avec cette figure de Surcouf qui est très compliquée à manier, vous le voyez l'un et l'autre dans vos biographies, dans le sens où du vivant même de Surcouf, il y a une légende hein, où déjà sont gommés certains aspects négatifs. Alors qu'est-ce qu'il faut gommer pour paraître un bon Surcouf ? Ça, c'est le côté le plus embêtant. En traquant le mythe, j'ai cherché évidemment le moment où on aurait des côtés négatifs de son vivant, des vacheries qu'on pourrait rapporter sur lui. Pas moyen. On ne trouve que des choses bienveillantes. Alors, il y a des choses qui sont cocasses dans la tradition malouine. C'est Surcouf sur un chantier naval. Il y a deux calfas qui travaillent pas assez vite. Ils coupent le cordage qui le retient au-dessus de l'eau. Ils tombent à l'eau. Et à ce moment, ils sont aussi bien, ils savent pas nager. Alors, Surcouf plonge, les récupère, les renvoie chez eux avec une pièce dans la poche. C'est des choses comme ça qu'on raconte. Le type qui, une nuit, vient voler du bois sur le chantier, qui paraît qu'une grosse planche, il a du mal à la traîner. Surcouf qui traîne par là, lui donne un coup de main. Et lui dit, attention, reviens pas parce que monsieur Surcouf pourrait ne pas être content. Ce sont des choses comme ça que l'on continue de raconter. Pas moyen de trouver quelque chose de mesquin, de petit, de méchant. Michel Verger-Franceschi, vous êtes d'accord aussi en travaillant hein, sur ces sources, la critique de Surcouf est plus difficile à trouver que les éloges ? Le mythe entoure évidemment beaucoup de personnages. J'ai fait il y a plusieurs années chez Fayard un masque de fer. Tout le monde est toujours persuadé que c'est le frère jumeau, le frère aîné de Louis XIV, parce que le mythe séduit. Et là aussi, Dominique Lebrun a raison. Et il faut étudier la réalité et l'authenticité du personnage. Et alors, c'est vrai que les gens qui ont été cités, comme Cunha, par exemple, ou Robert Surcouf, le sous-préfet, qui était un petit-neveu de Surcouf, c'était des hommes du 19e siècle. Et donc, il parlait de Surcouf en héros qui pratiquait la traite négrière. Ça n'est plus admissible aujourd'hui. Vous faites ça dans un amphi, vous avez 300 étudiants qui vous sifflent tout à fait légitimement. Donc, il faut revenir aux sources. Et nos travaux respectifs doivent beaucoup à toute une série d'historiens qui nous ont précédés. Je pense à tous ces disparus, comme Monsieur Roman, par exemple, qui est mort il y a quelques années, que j'avais connu à Saint-Malo et à Concarneau, qui ont fait des travaux considérables sur les ancêtres de Surcouf, sur la famille de Surcouf, et puis surtout aux conservateurs des archives de l'Île-de-France. Ce sont des gens qui, dans les années 1970-1980, ont dépouillé des archives auxquelles Garneret, qui est surtout un bon peintre, meilleur peintre qu'historien, n'avait pas accès à l'époque où ils écrivaient. Et donc, lorsqu'on n'a pas accès aux archives, on invente. Et à ce moment-là, on crée des légendes. Alors, on vous dit que Surcouf a mis en fuite ou s'est battu en duel avec une quinzaine d'adversaires de la France sous l'Empire. J'ai retrouvé la même chose pour le bailli de Suffren. Le bailli de Suffren, on vous dit qu'il est mort en duel alors qu'il approchait de 60 ans, tout simplement parce qu'il était couvert de sang, parce qu'il était allé se faire faire une saignée par le médecin de Madame Adélaïde, donc tante de Louis XVI, à Versailles. Et donc, comme il avait du sang et que c'était Suffren, ça ne pouvait être qu'un duel et non pas une saignée. L'histoire de Surcouf se construit parce que tous les autres autour de lui ont pu dire, et notamment, vous l'avez cité, hein, Ambroise Louis Garneret, une source essentielle, hein, c'est certain. Ambroise source, Louis... Très mauvaise source. Voilà, exactement, très, mauvais. Très mauvaise source. Mais source essentielle parce que témoin, il l'a connu sur Couf. Et alors, rien n'est moins sûr. Ou faux témoin. Ou faux témoin. Ou faux témoin. Ah oui, il a à peu près avéré qu'il n'a jamais été à bord de la Confiance pour la prise du Quint. Mais qu'est-ce qu'il la raconte bien? Il la raconte drôlement bien et il nous présente ici dans la voix de Vanda Bénès ce personnage, ce jeune homme sur Couf. Ce jeune homme pouvait avoir de 24 à 25 ans. Quoique d'une taille élevée, environ 5 pieds et 6 pouces, il était replet et de forte corpulence. Cependant, on devinait sans peine, à la charpente vigoureuse de son corps, qu'il devait posséder une force et une agilité musculaire vraiment extraordinaires. Ses yeux, un peu fauves, petits et brillants, se fixaient sur vous comme s'il eût voulu lire au plus profond de votre cœur. Son visage, couvert de taches de rousseur, était un peu borné par le soleil. Il avait le nez légèrement court et aplati, et ses lèvres minces et pincées s'agitaient sans cesse. Au total, il semblait bon vivant, un joyeux convive, un joyeux marin, et il éveilla toute ma sympathie. Ambroise-Louis Garneret qui nous présentait sur Couf. Alors, des mémoires, mais nous savons combien les mémoires sont extrêmement délicats à manipuler. Et puis, Ambroise-Louis Garneret qui a été peintre aussi. Et sur le site du cours de l'histoire, sur franceculture.fr, on va voir ce tableau de Garneret qui représente la prise du Quint, qui se trouve au musée d'histoire de Saint-Malo, musée admirable d'ailleurs, et qui est l'un des seuls tableaux qui... évoqué comme étant une représentation par un témoin. Maintenant, vous vous en doutez. Attention, le tableau est très juste. Très, très juste et même pédagogique. Garneret a toujours eu une volonté d'être pédagogue. Il a écrit d'ailleurs à destination des jeunesses françaises. Hein. Le tableau montre une chose qui est fabuleuse, c'est le bateau corsaire est très bas sur l'eau. Comme ça, les boulets qui partent du vaisseau passent au-dessus du pont. Ça ne tue personne. Le château arrière, là où se tient l'état-major du bateau anglais, se trouve à la hauteur de la première vergue du grand mât, ce qui permet d'avoir une passerelle idéale pour monter à l'abordage, étant entendu que la technique corsaire pour prendre un bateau à l'abordage, ça consiste à se précipiter sur la dunette où se trouve son état-major pour massacrer séance tenante cet état-major, parce qu'une fois que le commandant est mort et son second pareil si c'est possible, l'équipage va se rendre, personne n'a forcément envie à l'époque de se transformer en héros. Et c'est donc, le tableau est très juste, alors sauf que, sur le nombre de morts de la prise du Quint. En 1799, qui est quand même, cette prise de ce navire anglais, l'exploit de Surcouf. Alors, exploit involontaire d'ailleurs, parce que si Surcouf avait su qu'à bord, il n'y avait non pas 350, mais plutôt 600 bonhommes, parce que le Quint avait embarqué l'équipage et les passagers d'un autre vaisseau qui avait pris feu en Espagne. Donc, ils étaient deux fois plus nombreux à bord. Mais, pour ramener les choses à leur juste mesure, un combat naval, bord à bord, lorsqu'on monte à l'abordage, il n'y a pas de place pour se battre. Moyennant quoi, finalement, l'infériorité numérique joue beaucoup moins. Si on peut tenir assez longtemps, on l'emporte assez vite. D'autant plus que personne à bord du reste du bâtiment ne sait ce qui se passe. Donc fermer des tillacs, enfermer tout le monde dans les cales, ça reste possible. Finalement, grâce au témoignage du second de Surcouf, donc Joachim Drieux, qui a publié son journal qui est au musée de la Marine, on peut savoir exactement ce qui s'est passé. En fait, ça s'est passé, un, très vite. Deux, ça a été beaucoup moins sanglant que Garneret nous le dit, que Garneret décrit les montagnes de cadavres qu'il faut escalader avant de taper sur le camarade d'en face. Et en réalité, il y a eu même pas quelques dizaines de morts. Côté français, 5 ou 6, et côté anglais, une petite quinzaine peut-être. Mais ramener un vaisseau comme celui-là, qu'on voit la disproportion, qui est belle et bien visible sur le tableau, très facile à retrouver sur Internet, il suffit de taper prise du Quint, vous en aurez 25, ça c'est parfait. Juste. Et ben voilà, ou d'aller sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Et puis, avec Surcouf, nous avons aussi dans la légende ces petites phrases. C'est très important hein, cela, parce que c'est sans cesse répété, et notamment, il y a une histoire d'honneur. Dis donc, il n'a pas froid aux yeux, l'Angliche. Ah, il fait à Surcouf. Vous autres Français, vous vous battez pour l'argent, alors que, oui, Angliche, nous nous battons pour l'honneur. Ah, Surcouf de lui dire, eh oui mon gars, Chacun se bat pour ce qui lui manque. Quand il y a de l'argent, on va faire des tas de pièces que l'on mettra sur la hauteur d'un pied. Le pied à l'époque valait 33 cm. D'où l'expression complètement déformée aujourd'hui, prendre son pied. Chacun avait le droit de prendre sa part en fonction du partage de la pièce. Voilà, bah nous prenons notre pied. Hein. En l'occurrence, c'est Roland Mazurin des Garennes sur la piste des pirates sur FR3. Michel Verger-Franceschi, puisqu'il est question d'argent, dans votre biographie Surcouf chez Passé Composé, il y a cette étude sur la fortune de Surcouf. Et c'est passionnant de voir combien il s'est enrichi. Et par l'enrichissement, on peut saisir, peut-être pas ses ambitions, mais en tout cas, la manière dont il concevait sa carrière par rapport à d'autres corsaires. Tout à fait. Alors, j'ai publié justement dans le livre, parce que j'aime beaucoup ça, les inventaires après décès. Parce que quel est un des aspects de la réussite, entre guillemets, d'un personnage, on le sait à titre posthume. J'ai publié comme ça dans ma biographie de Duquesne il y a fort longtemps, qui avait été couronné par le Grand Prix de la Corame, dont je suis très fier, qui m'a fait membre d'honneur de la Corame il y a une trentaine d'années, en 1993, l'inventaire après décès de Duquesne, qui était également un homme riche. Du Guétrouin, non. Toute la famille dit il est mort assez pauvre. Il a fallu que les nièces et petits-neveux de Du Guétrouin obtiennent des pensions de Louis XV et de Louis XVI pour survivre. C'est à peu près pareil pour la famille de Jean Bart. La veuve, les enfants, puis les petits-enfants de Jean Bart, qui est mort en 1702, vont toucher des pensions du roi. Aujourd'hui, ces pensions sont décriées dans l'historiographie. On dit que l'Ancien Régime versait des pensions, mais on les versait à juste titre au départ. Le problème, c'est que Jean Bart est mort en 1702 et que son petit-fils, qui était le dernier à toucher la pension du grand-père, est mort en 1784, pendant 80 ans. Et donc, pour Surcouf, pareil, j'ai regardé les inventaires après décès, et l'appât du gain chez lui est certain. Même en 1814, au moment de la campagne de France, il dit à ses corsaires, la paix va être signée. Donc, si la paix est signée, on ne peut plus pratiquer la course. Et donc, il donne des ordres, sortez, sortez, sortez. On voit que vraiment, il est pressé de gagner de l'argent. Alors, ce qui est intéressant aussi, d'un point de vue concret qu'on n'a pas évoqué, et qui remet beaucoup les pendules à l'heure, en matière de traite négrière, il y a un naufrage qui m'a beaucoup marqué. C'est un des premiers naufrages de Surcouf, lorsque le bateau négrier du capitaine Tardivet est en train de couler. C'est horrible, parce que vous avez 600 esclaves à bord, et donc, que font les francs-maçons, hommes des Lumières, donc à bord du navire, et bien ils veulent les sauver. Mais que veut faire l'équipage? L'équipage, c'est leur peau qui est en jeu. Et donc, si on libère 300 hommes, 300 femmes et enfants, eh bien, ils vont être massacrés. Et les chaloupes vont être prises par les Noirs. Et quand on va dans le concret comme ça, c'est terrible. Parce qu'on laisse les hommes attachés avec leur collier de métal dans la coque du bateau négrier. On sauve les femmes, on met les enfants en joue éventuellement parce que les mères ne les laisseront pas abattre. Mais on entend les cris des Noirs qui, eux, coulent et se noient. Et après, c'est toujours difficile d'interpréter pourquoi on a sauvé les femmes, pourquoi on a sauvé les enfants, puisque finalement on les vend. Et donc, est-ce que c'est par humanité? Est-ce que c'est par solidarité? Est-ce que c'est par fraternité? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'on a besoin de cet argent vis-à-vis de ces armateurs et ne pas être responsable de la perte, si je puis dire, entre guillemets, de la cargaison? Surcouf, c'est un personnage complexe. Michel Verger-Franceschi, vous soulevez hein, tous ces questionnements. Corsaire, négrier, patriote, Surcouf, la fin du monde corsaire, je ne sais pas, c'est composé. Et vous, Dominique Lebrun, dans votre approche, Surcouf, le Tigre des Mers chez Talendier, c'est aussi cette réflexion sur le mythe. Et nous voyons combien l'étude de personnages tisse des fils comme ça vers d'autres histoires économiques, notamment les armateurs, l'histoire de l'esclavage. Et on a vu au moment du débat autour du bicentenaire de la mort de Napoléon combien la Fondation pour la mémoire de l'esclavage avait contribué aussi à ces nouvelles réflexions. Donc avec vos deux ouvrages, eh bien écoutez, je pense que on peut prendre la mer, là, ça fait une immense croisière de lecture. Merci vivement à tous les deux, il est temps de retrouver Gérard Noiriel pour le pourquoi du comment. Pourquoi les ouvriers peuvent-ils être fiers de leur travail? À Beaucourt, une commune du territoire de Belfort, l'usine Japy, fondée en 1777, a été mise en liquidation comme on dit dans le langage cruel des managers, en 1979. Le petit atelier d'horlogerie, né à la fin du XVIIIe siècle, s'était progressivement étoffé et diversifié pour fabriquer, entre autres, des moteurs, des outils, des pièces de bicyclette, des machines à écrire, etc. Les années 1880 marquèrent l'âge d'or des établissements Japy, mais au XXe siècle, l'entreprise fut progressivement démantelée avec la cession des différentes branches de la marque. Aujourd'hui, on ne fabrique plus à Beaucourt que des moteurs électriques très spécialisés. Le sociologue Marc Loriol, qui a lui-même grandi dans cette ville ouvrière, a publié récemment une étude fondée sur l'exploitation des archives conservées au musée Japy et complétée par une cinquantaine de témoignages d'anciens salariés. L'un des apports essentiels de cette recherche tient au fait qu'elle nous permet de mieux comprendre pourquoi beaucoup d'ouvriers de l'époque industrielle étaient fiers de leur travail. La fierté est une dimension de la dignité humaine. Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés et de n'être pas dans l'estime d'une âme, écrivait déjà Pascal dans ses Pensées. Ce besoin de reconnaissance que nous cherchons dans le regard des autres se manifeste de différentes façons selon le milieu auquel on appartient. Pour les membres des classes populaires, défendre sa dignité est un combat permanent car leur position sociale, leurs pratiques culturelles, le métier qu'ils exercent, les lieux où ils vivent sont souvent dévalorisés, y compris parfois par celles et ceux qui parlent en leur nom. Je me souviens que, lorsque j'étais étudiant, les militants d'extrême-gauche, souvent issus de la petite bourgeoisie cultivée, ironisaient fréquemment sur les ouvriers qui étaient fiers d'exhiber la médaille du travail que leur avait accordée leur patron. Cette façon de défendre sa dignité était perçue par ces militants comme une forme flagrante d'aliénation qu'il fallait absolument combattre en inculquant à ces prolétaires ignorants les principes révolutionnaires de Marx, Lénine, Trotsky ou Mao. Face à tous ces donneurs de leçons, ils existent toujours, même s'ils ont changé de monture, le mérite du chercheur, c'est qu'il s'efforce uniquement de comprendre les raisons d'agir et de penser des individus qu'il observe au lieu de leur faire la leçon. C'est dans cette perspective que Marc Loriol a analysé la fierté ouvrière telle qu'elle existait à la grande époque dans les usines Japy. Son livre est un document essentiel pour comprendre pourquoi et comment ces ouvriers défendaient ce qu'ils appelaient le beau travail et les raisons de leur attachement à leur entreprise. En exprimant leur fierté devant leur beau travail, ces ouvriers défendaient leur savoir-faire et leur dignité, sans pour autant se soumettre à la loi de l'entreprise, car c'était aussi une façon de lutter pour que leurs qualifications professionnelles soient davantage reconnues dans l'entreprise. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Hugo Renard, sachant que le Renard est le dernier navire armé par le corsaire Surcouf à Saint-Malo, une émission préparée par Marion Dupointe, Océane Vudès, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde, Margot Vielle et Maïwenn Guizio, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.